Faites-vous plaisir. Bienvenue sur Vivacité, il est 11h. L'actualité, on accueille Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour. L'Union des mosquées de Charleroi condamne fermement l'attaque de deux policières devant le commissariat de Charleroi samedi. Un acte immonde d'une cruauté extrême, dit le communiqué. On sait à présent que l'assaillant était un Algérien de 33 ans en séjour illégal en Belgique. Il a été abattu. Le groupe terroriste État islamique a revendiqué l'attaque. Et hier soir, une perquisition a été menée à Farciennes, près de Charleroi, dans un quartier de logements sociaux. Aucune arme retrouvée. Une famille algérienne vit à cette adresse. Pas d'interpellation. Les enquêteurs cherchent à mieux cerner le profil de l'agresseur. Ils doivent aussi savoir si l'assaillant agit seul ou s'il a bénéficié de complicité. La vidéo est prise très au sérieux par la commune de Verviers et plusieurs mesures sont déjà décidées. On y voit un jeune, il s'exprime en arabe et il appelle à tuer tous les chrétiens. La police fédérale est aussi avertie. Cette personne est dangereuse et doit être arrêtée, conclut la bourgmestre qui se dit très choquée. Au Pakistan, la bombe a explosé dans un hôpital à Quetta dans le sud-ouest. Très lourd bilan, 45 morts et une cinquantaine de blessés. L'attaque visait un rassemblement d'avocats et de journalistes regroupés autour du corps d'un avocat reconnu et assassiné quelques heures plus tôt alors qu'il se rendait au tribunal. On revient chez nous, la place de Brouckère et la rue Neuve à Bruxelles sont à nouveau alimentées en électricité. Une panne haute tension était survenue vers 8h40. Nous nous sommes bien amusés et avec un score pareil, on le comprend, à Rio, les hockeyeurs belges ont infligé un 0-12 au Brésil. Deuxième match de la compétition et deuxième victoire belge. 10 joueurs ont même marqué. Alors ce score, autant en profiter, les Red Lions s'affrontent demain soir l'Australie, qualifiée de meilleure nation du hockey de ces dernières années. Les Philippines aussi sur un petit nuage. L'haltérophile Hildilyne Diaz remporte la médaille d'argent et son pays n'avait plus décroché de médaille olympique depuis 20 ans. La météo, nuages et éclaircies, aujourd'hui 20 à 22 degrés. Demain, ce sera plus lumineux. Mais les maxima sont franchement en baisse, 15 à 20 degrés et 15 à 18 mercredi. Caroline Ginet pour le point RTBF Mobile Info et une voiture est sur le toit à hauteur du viaduc de Vieville. Exactement, sur le 42 Mons-Liège, la voie de droite est neutralisée donc en direction de Liège. Des ralentissements dans le chantier sur le 40 Bruxelles-Ostende comme chaque jour entre Herpemer et Wetteren. Vous perdez 50 minutes à présent en direction d'Ostende, des files entre Alost et Mel. Des répercussions aussi sur la Nationale 9 en direction de Gand. Des ralentissements toujours dans ce chantier mais dans l'autre sens entre Merelbeek et Wetteren vers Bruxelles, mais vous ne perdez qu'une petite dizaine de minutes. Une défile sur le ring de Bruxelles en circulation intérieure entre Bercelles et Forêt en direction de Grand Bigard. Défile aussi pour rejoindre la France et principalement sur le 40 qui relie Yabec à Calais. Et là, vous perdez une heure environ en direction de la France. 15 minutes supplémentaires aussi sur le 17 Gand-Lille avec défile à partir d'Albec. Ralentissement dans le chantier sur le 42 Bâtisse-Prume entre Bâtisse et Verviers. 15 minutes supplémentaires en direction de l'Allemagne. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Un air de vacances avec Stéphane Piedbeuf. Et la fenêtre est ouverte à présent. Merci beaucoup Delphine, rendez-vous tout à l'heure à midi pour le prochain point sur l'actualité. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Piedbeuf. Eh ben ça y est, c'est une nouvelle semaine qui démarre. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Toute la Dream Team est en place. Il y a Sylvain derrière les manettes, il y a Delphine à l'information. Et puis Nicolas Xavier Ladouze sera là aussi pour la météo des plages et de vos vacances que vous pouvez demander, soit par SMS ou gratuitement via le site vivacité.be. Vous cliquez sur un air de vacances. Et puis que serait cette émission sans les tubes de l'été? Et tout à l'heure, nous écouterons une chanson dans laquelle il y a plein d'autres chansons des années 60. Ce sera le titre Rock Collection de Laurent. Et la petite fille chantait, et la petite fille chantait, et la petite fille chantait, et la petite fille chantait. Les people en vacances et puis les cadeaux. Oh, beaucoup de cadeaux cette semaine. Belle Award, on vous y emmène avec une seconde pour identifier un artiste. Et puis à l'issue de la météo des plages et des vacances, vous gagnerez votre RAL Pass de la SNCB pour voyager à la mer gratuitement grâce à Vivacité, vous et quatre autres personnes. Le RAL Pass SNCB que vous pouvez commander sur letrain.be. Bienvenue dans Un air de vacances. Un air de vacances sur Vivacité.

Et dans quelques secondes, notre tout premier tube de l'été. Mais avant ça, les cadeaux. Et on vous emmène aujourd'hui pour une journée inoubliable en famille à Belleauward. 4 personnes. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir profiter de ce parc qui se situe à Ypres jusqu'au 25 septembre. Donc même après la rentrée des classes, vous allez pouvoir prolonger les vacances et profiter du parc avec plein d'attractions comme le boomerang, le river splash. Il y a aussi le Niagara, le Petit Prince en 4D, les animaux comme les léopards de l'amour. Ah, c'est mignon ça. Les éléphants d'Asie, les girafes, les lions, les tigres, les bisons d'Europe. Et puis il y a pas mal de restaurants aussi, des spectacles, des démonstrations de rapaces. Bref, de quoi passer un excellent moment en famille pour vous qui n'avez pas eu l'occasion de partir en vacances ou pour vous qui êtes déjà rentré de vacances et qui êtes déjà en manque de vacances. Alors le principe, c'est très simple, hein, c'est notre jeu de plage. On vous passe une seule seconde d'une musique, de l'œuvre d'un artiste et il faut envoyer son nom par SMS au 6003. Donc prenez le GSM, préparez-vous à envoyer un SMS au 6003 pour 75 centimes d'euros l'envoi de message. Et attention, une seconde, ça passe très vite. Allez-vous être capable de retrouver de quel artiste il s'agit ? Eh ben, on va le savoir. Écoutez. Salut. On commence la semaine, hein ? Ah, on commence la semaine, il y en a eu des plus compliqués. Mais voilà, c'est l'occasion de se dire bonjour, c'est l'occasion de se dire... Salut. Voilà, ça va bien. 6003 par SMS si vous avez trouvé de quel artiste. On recherche vraiment le nom de l'interprète, pas le titre de la chanson, parce que ce serait vraiment trop facile. Et on vous souhaite bonne chance. C'est parti pour le premier tube de l'été, c'est Nomads avec Yakalelo. C'est le seul titre, le seul fait d'armes de ce groupe franco-algérien de world music. Et on le retrouve sur leur album qui s'appelle Battle World, qui est paru en 1998. Il est devenu le tube de l'été en se classant numéro 4 en Belgique, numéro 2 en France et de façon très surprenante, numéro 1 en Pologne. Voilà. À noter que le titre ne veut absolument rien dire. Le morceau aurait pu s'appeler Tralala. Quant au clip, il a été tourné dans le désert marocain et il est sur notre site Vivacité. .be. Voici donc Yakalelo, ça veut rien dire, mais on s'en fout, on va en profiter, c'est Nomads. Les People en vacances, ce sera tout à l'heure avec James Dino vers 11h30. Et puis nous appellerons aussi Jacques Brédal pour prendre des nouvelles de leurs vacances. Et puis côté musique, je vous promets le D'Artagnan des Trois Mousquetaires, Olivier Dion, de mes propres ailes. Ce sera juste après la météo des plages et des vacances qui arrive. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BR. À gauche, les naturistes. À droite, les colonies de vacances. Et je m'installe où, moi? En été aussi, choisir le bon côté, c'est important. Alors, dès 13h, Vivacité vous invite à prendre l'été du bon côté. Konnichiwa. Tu m'emmènes au Japon cet été? Mieux, je t'invite sur la Grand Place de Bruxelles. Du 12 au 15 août, le 20e tapis de fleurs de Bruxelles fête 150 ans d'amitié belgo-japonaise. Infos et tickets sur flowercarpet.be. Avec la région de Bruxelles Capitale, la ville de Bruxelles, la Loterie Nationale, la Une et Vivacité. 11h, 13h, un air de vacances sur Vivacité. Il est 11h20, il est l'heure d'accueillir Nicolas-Xavier Ladouce pour la météo des plages et de vos vacances. Nous allons commencer par nos plages belges de la Panacnoc. Nicolas, prenons la température de notre littoral ce lundi. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Eh bien, on va s'en tirer pas trop mal du côté du littoral aujourd'hui, puisqu'on passe à l'arrière de la perturbation qui progresse actuellement sur la Belgique d'ouest en est. Et on retrouve pour la journée de belles éclaircies. 21 degrés attendus du côté d'Ostende, par exemple, avec un indice de confort de plage qui sera jaune. Donc bon, ce sera assez agréable au littoral avec 18 degrés dans l'eau et on peut reproduire ces températures sur toutes les localités de notre beau littoral. Donc 21 degrés dans l'air, 18 degrés dans l'eau et cet indice de confort de plage jaune, donc un indice plutôt confortable. Place à la météo de vos vacances que vous pouvez demander par SMS au 3063 pour un demi euro l'envoi de message et sur notre site internet vivacité.be. Nicolas de Liège part en stage de waterpolo à Malte. La piscine sera-t-elle couverte ou pas, Nicolas? Oui, sans souci, Malta, 12 points là sur le coup, puisqu'on a des températures qui vont grimper aujourd'hui vers les 29 degrés, un temps très ensoleillé, qui le restera encore d'ailleurs ces prochains jours. Et ça va même grimper au niveau des températures, puisque mercredi et jeudi à Malte, on va atteindre les 30 degrés. Côté température minimale, 23 degrés attendu. Donc franchement, pas de problème pour ce stage au waterpolo, tout se passera bien au niveau de la météo. Impeccable, merci Nicolas, on vous retrouve tout à l'heure. Et d'ailleurs, si vous souhaitez faire une escapade à la mer, vous l'avez entendu, l'indice de confort est plutôt sympathique dans notre littoral, eh bien sachez que c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous offrons un Rail Pass SNCB, un pass de 10 trajets au choix, utilisé quand vous le désirez, vers où vous voulez, pour qui vous voulez, pas de limite d'âge. Plus d'infos sur letrain.be. On va vous l'offrir tout de suite, ce Rail Pass SNCB. Vous nous envoyez par exemple au stand au 60-03 pour 75 centimes, au stand au 60-03, et dans quelques instants on vous appelle en direct à la radio sur Vivacité pour vous offrir ce Rail Pass. Ce sera juste après De mes propres ailes. Olivier Dion est là. Je sais ce que je laisse, c'est à contre-cœur, mais un ailleurs m'appelle envers et contre tout. Je sais ce que je blesse, je vois leur douleur, mais j'en ferai une force qui me suivra partout. Comme bon le debout. Mais il faut s'en aller quand il le faut, croire en son étoile pour toucher le ciel. Et moi je veux voler, voler plus haut, de mes propres ailes, voler de mes propres ailes. Que la jeunesse est faite d'erreurs, qu'on en paye un jour les revers et contre-coups. Mais à quoi sert qu'on naisse, à quoi sert qu'on meure, sans avoir vécu ses rêves, même les plus fous. Quand un bon levier vous ouvre à l'envie, on ne va loin jamais rien regretter, partir pour tout commencer. Oh oh, sans vous oublier, sans ne jamais me retourner, partir là où tout peut arriver. Dans quelques instants sur Vivacité, il y aura Justin Timberlake et Can't Stop the Feeling, un des tubes de cet été qui caracole en tête du Tip Top Vivacité. Et on va composer votre numéro de téléphone pour vous envoyer en train, vous offrir ce Rail Pass. 10 trajets au choix à utiliser quand vous le désirez, vers où vous voulez, pour qui vous voulez. Et voilà, on vous appelle comme ça par surprise, on ne sait pas où on va aller, mais on y va. Je ne sais pas s'il y a une gare où se trouve notre auditrice ou auditeur. Allô ? Allô ? Bonjour ! Bonjour ! C'est Stéphane à l'appareil, vous êtes en direct sur Vivacité. Bonjour ! Quel est votre prénom ? Dominique. Comment ça va, Dominique ? Ça va bien, merci. Vous êtes en vacances, vous êtes au travail, dites-nous tout. Je suis en vacances. C'est parfait, que faites-vous dans la vie ? Je suis logopède. Ah, c'est comme les... Bah, vous travaillez pendant l'été, les logopèdes, ou pas ? C'est un peu comme les instits, les profs Non, puisque en fait je travaille dans une école d'enseignement spécialisée, ouais. Donc voilà, j'ai mes vacances comme les élèves. Bah c'est bien ça, ça a des avantages. Super, ah ouais. Oui. Bon, alors avez-vous une famille que vous souhaitez emmener à la mer par exemple pour une journée inoubliable ? Ah oui, ça nous plairait, oui, j'ai 3 enfants, oui. Waouh, c'est génial. Eh bien c'est gagné, on vous envoie 10 trajets au choix, le Rail Pass SNCB, allez voir sur letrain.be, tout est bien expliqué, et en plus il est valable un an à partir du moment où vous l'utilisez une fois. Donc dès que vous l'utilisez une fois, vous avez encore 365 jours pour en profiter. Bref, c'est un super cadeau. C'est super. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Super, super, vraiment. Hein. Oh oui. Bon, il y aura des vacances cet été ou pas ? Vous partez à l'étranger ? On est déjà parti. C'était où ? En Provence. C'était bien. Ah, c'était super, magnifique, oui. Bon, ben génial, on vous embrasse, et puis bel été chez nous en Belgique alors. All good to me, travel and choose, drive your problems from here. All good people read good books, now your conscience is clear. I hear you talk, girl, now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think I can be so willed and never do what you say. I'll never hear you and never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. The people had at night, late at night, don't need hostility. Timid smile and pause to free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chased and whole. All God's children took their toll. Just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. got to have seen the light. Half the people read the papers, read them good and well. Pretty people, nervous people, people have got to sell. News you have to sell. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn right from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Twist in my sobriety, c'était Tanita Tikaram sur Vivacité. On dit que les blancs ne savent pas danser. Les People en vacances accueillent James Dino ce matin. Bonjour James. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Mais je reviens de vacances donc. Bon, ça va bien alors. Ben oui, je vais reposer, mais comme on part en vacances avec les enfants, on revient des fois plus fatigué que quand on est parti. Ah oui, finalement, c'est vrai, vous allez y recrever. Ben, je suis reposé, crevé, voilà. C'est un mélange des deux. C'était où êtes-vous parti, James? Ah, j'ai eu la chance de partir en Espagne, mais je suis parti deux fois. En Espagne, dans deux coins différents, dans deux régions différentes. Et donc, voilà. C'est un beau pays. Je pensais que l'Espagne, c'était un pays pour les beaufs. Je ne sais pas pourquoi. J'avais cette image-là. Et c'est vrai que vous avez grandi à Waterloo. Hein. Vous êtes donc un Waterlooser, hein, comme on dit. Un Waterlooser, exactement. Voilà. C'était pas mal. Waterlooser, ça me convient tout à fait. C'est bien. Hein. C'est mon style. C'est mon style. C'est votre style. Parfait. Quel est votre meilleur souvenir de vacances? Bon, cette année ou une autre année, hein, vous pouvez choisir. Mon meilleur souvenir de vacances. Alors comme ça, c'est toujours un petit peu compliqué de se souvenir des meilleures vacances, mais plutôt les voyages, voilà, que j'ai eu l'occasion de faire. Je suis parti en Martinique grâce à mon ami Cody Kim, hein, qui est un humoriste connu maintenant, que bien tout sûr. Le monde reconnaît. Bah, on vous voit dans le Grand Cactus, hein, ça récolte un énorme succès sur la 2, et d'ailleurs ça revient à la rentrée avec toute l'équipe. C'est un collègue de la première heure, et lui m'a fait partir en Martinique. Et je dois dire que la Martinique, c'est un pays magnifique, juste à côté de l'Amérique du Sud, que j'affectionne tout particulièrement, je ne sais pas pourquoi. Mmh. Et ce petit voyage en Martinique m'a bien plu. Mais là, je devrais partir bientôt normalement à Madagascar, et ça, je crois qu'il y a peut-être un détrônage de la Martinique qui va s'opérer. Peut-être. Bah écoutez, vous nous le direz. Hein. Êtes-vous plutôt camping ou hôtel? Alors, je peux être camping, mais je préfère être hôtel. Voilà, j'aime bien ma petite zone de confort, on va dire. Piscine, mer ou hôtel? Alors, piscine, mer ou hôtel? Ou montagne, pardon. C'est moi qui suis mal réveillé aujourd'hui. Ah ouais. Piscine, mer ou montagne? Alors, je dirais piscine. D'accord, très bien. Quelle est la chanson qui représente le mieux l'été pour vous, James Dino? Destiné. Ah ouais, Guy Marchand. Obligé. Film culte aussi. Exactement. C'est quoi la météo idéale pour vos vacances? Alors la météo idéale, je dirais, c'est... Bon, c'est un petit 30 degrés avec un petit vent qui rafraîchit, quoi. Mm-hmm. Avez-vous un apéro, un cocktail de prédilection? Alors peut-être le mojito sans alcool, évidemment. Sans alcool? Vous ne buvez jamais d'alcool? Ça pourrait m'arriver de boire un petit peu d'alcool, mais le mojito, je pense que c'est mieux de le prendre sans alcool. Quel est votre plat préféré de l'été? Alors, mon plat préféré, alors ce serait peut-être une salade grecque, là, les salades avec la feta et l'huile d'olive et petits concombres. Ouais. Et... Un bon petit régime crétois qui fait du bien. Absolument, j'ai découvert cette salade en Grèce et il m'en fallait tous les jours, c'était rafraîchissant, et surtout en Grèce où les légumes ont encore du goût. Revenons chez nous en Belgique. Dans quel endroit vous sentez-vous vraiment en vacances en Belgique? Alors en Belgique, je pourrais me sentir en vacances en Ardennes. Ah oui. Mon père habite en Ardennes et là-bas, je dois dire qu'il y a encore des, des paysages magnifiques et ouais, c'est des paysans. Vous allez de temps en temps à la mer chez nous ? Ça arrive que j'aille à la mer, mais la mer est tellement froide chez nous que j'y vais pas beaucoup. Mais j'y suis allé toutes mes vacances quand j'étais petit. Et c'était où ? C'était à Blankenberg, à Ostende, à Knokke Non, moi j'allais toujours au Coq. Au Coq ? À De Haene. Oui, à De Haene, exactement. Bon bah super, merci James Dino. Alors les projets pour la rentrée, c'est le Grand Cactus, c'est la musique aussi, vous racontez des blagues, on vous entend dans Les Enfants de Cœur. Ce sera quoi le menu à partir du mois de septembre pour vous? Ben donc vous l'avez dit, donc c'est le Grand Cactus, Les Enfants de Cœur, on est encore là le dimanche matin pour ceux qui sont courageux. Et alors je continue, je suis en train d'écrire mon nouveau spectacle. Donc là je joue pour l'instant tous les vendredis, tous les samedis au Kings of Comedy Club à XL. Alors c'est où exactement à XL le Kings of Comedy? Parce qu'on entend beaucoup parler de ça. Mais c'est à deux pas du cimetière d'XL en fait. Il y a le rond-point du cimetière d'XL. Oui. C'est vraiment à 30 mètres de là. Donc c'est cimetière d'XL. À Bruxelles donc. Pas loin de la Bécasse, du WAF. Ah c'est à côté, c'est à 50 mètres de la Bécasse. D'accord, bah c'est parfait. Bah on viendra vous voir donc les vendredis. Vous êtes en train de roder le spectacle, on peut le dire comme vendredi, ça. Vendredi, en fait, vendredi, samedi, je joue mon spectacle, mais je teste des nouvelles vannes dedans. Oui. Mais je joue quand même mon spectacle que j'ai, quoi. Et, ben et c'est qui bon, est quand même assez sympathique. Il faut le dire. Il faudra y aller. On viendra vendredi, tiens. Ça va nous faire plaisir. Ouais. Merci beaucoup, James Dino, d'avoir été l'invité des People en vacances. On vous souhaite une belle fin d'été avec les enfants, mais sans être trop crevé, alors. Exactement. Et un grand merci à vous. À salut. Bientôt. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop that. Keep dancing. feeling. C'est le numéro 1 du Tip Top Vivacité que vous écoutiez samedi entre 10h30 et 13h, Justin Timberlake. Bonjour Émilie de Kegel. Bonjour Stéphane. L'été du bon côté tout à l'heure, après le journal à 13h jusqu'à 15h avec un thème encore une fois très sympa ce lundi. Oui, nous allons faire de la cuisine tout en faisant de la science. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est tout à fait compatible. D'ailleurs, quand on cuisine, on fait de la science. D'accord. Vous allez nous faire des trucs, vous savez, les molécules, la cuisine moléculaire. Alors, tout ça. Oui, ça, effectivement, on peut penser à ça. Espèce de mousse au chocolat. Tiens, voilà un magret de canard en molécules. Alors, vous avez ça, mais vous savez, tout simplement, monter un blanc en neige, c'est scientifique. Ah oui. Votre pain qui lève avant de passer au four. Oui. C'est de la science, donc on va, on peut parler de la cuisine moléculaire avec notre invité, on verra ça tout à l'heure, mais on va déjà se poser une question. Par exemple, une qui me vient comme ça en tête, c'est comment les boulangers arrivent à faire cuire des pains au chocolat ou des chocolatines, ça dépend où vous vous trouvez, sans faire totalement fondre la plaquette de chocolat qui est dedans. Mm-hmm. Ben, tout ça, c'est de la science. On va mélanger les deux. Donc si vous avez des questions sur quelque chose, un phénomène qui se passe, par exemple la cuisson à basse température, les différences dans les farines, par exemple vous avez envie de faire votre pain tout seul, comme un grand, mais quand vous allez dans le magasin qui vend de la farine, vous avez T50, T55, T17, tu as collé mon porte-avions, tu ne sais pas quoi prendre, on va essayer de répondre à ces questions. Et quand on fait des crêpes, quand on fait sauter la crêpe qu'elle colle au plafond, c'est de la science aussi ça ? Alors ça, c'est de la maladresse. D'accord. Mais en même temps, je pense qu'il y a peut-être un lien. Un lien. Donc voilà, on va mélanger cuisine et science, science et cuisine. On aura un tablier blanc, quoi qu'il en soit, qui sera probablement taché après, surtout le mien. Mais à partir de 13h avec notre invité. Et si vous avez déjà des questions à soumettre à notre invité, qui est scientifique et cuisinière, ça tombe bien, n'hésitez pas via la page Facebook de l'émission ou par SMS. Au 3063, pour 50 centimes d'euros, l'envoi de message. Et rendez-vous donc entre 13h et 15h pour l'été du bon côté. Émilie, n'oubliez pas de revenir avant 13h pour le tube, les tubes du Sri Lanka. C'est fait, monsieur. Oh, fort. L'été du bon côté. Axel Red, vous l'avez reconnu ce matin sur Vivacité. Dans un instant, la séquence conso d'Aurore Salsano. Si vous ne partez pas en vacances cette année, eh bien profitez des charmes du bord de mer sans aller bien loin. C'est possible en Belgique. Aurore nous le rappellera dans quelques secondes. Feuille morte.

Commençons par le centre de délassement de Clairefontaine à Godarville. On est entre Charleroi et la Louvière. Autour d'un lac se déploie tout un tas d'activités, de la plaine de jeu à l'espace pêche, en passant par le mini-golf, le pédalo, une réserve ornithologique et même un camping. Nouveauté cette année, le site accueille aussi un parcours d'acrobranche pour les petits aventuriers et les plus grands. Tout ça donc au domaine de Clairefontaine à Godarville. Autre bon plan du genre, le centre récréatif du Blozo à Hofstade. Le domaine s'étend sur 160 hectares. Il comprend une grande zone récréative, mais également une zone naturelle protégée. Là aussi, une plage protégée vous permettra de profiter d'un tas d'activités. En cas de pluie, une piscine fermée se situe juste à côté du domaine. Le domaine d'Hofstade est dans la commune de Zemst. C'est la sortie 11 de l'autoroute E10. Bruxelles-Anvers. Revenons en Wallonie, en province de Namur, à Fos-la-Ville exactement, où les jardins du lac de Bambois offrent un cadre somptueux classé Natura 2000, avec un lac donc, deux plages artificielles, dont une pour les petits. L'espace de baignade est d'ailleurs surveillé par des moniteurs. Le domaine comprend aussi pas moins de 12 jardins thématiques aux noms plutôt évocateurs, jugés plutôt, jardin des senteurs, jardin aux parapluies, jardin de l'enfant qui ne sait ni lire ni écrire, jardin des animaux. Enfin, last but not least, les lacs de l'Oder. Il s'agit d'un immense domaine composé de 5 lacs, à cheval sur les provinces de Namur et de Hainaut, sur les communes de Serrefontaine et de Froidchapelle. Les activités y sont très nombreuses et variées. On peut y faire un tas de sports nautiques comme le jet ski, la plongée, la voile. Il y a un centre aquatique ludique en plus des zones de baignade du lac de la Plate-Taille. On peut y faire du tennis, de l'acrobranche, de l'aquagolf, faire une promenade à bord d'un bus amphibie. Un tas de balades sont aussi possibles à pied ou à vélo autour des lacs. Les plus curieux pourront aussi assister à une visite guidée du barrage de l'Oder, en rentrant même au plus profond des installations. Bref, vous voyez que sans aller très loin, la Belgique offre aussi un air de vacances. Merci Aurore Salsano pour ces bons plans qui sentent bon sur Vivacité. On vous retrouve demain. Voici Jean-Louis Aubert, juste après que le groupe Téléphone est raccroché. Lui, il avait encore une dizaine de chansons qu'il a composées et il les a mis sur son premier album solo. Voici Juste une illusion. Qu'est-ce qui te fait courir après un autre toi-même pour que tu t'aimes? Qu'est-ce qui te fait nager contre le sens du temps pour au fond pas fait vouloir posséder. nous sur Vivacité. Tout à l'heure, Nicolas Xavier Ladoux sera de retour pour la météo des plages et de vos vacances. On prendra la direction de Zanzibar, figurez-vous, un mail qui est arrivé il y a quelques instants. Et puis là maintenant, on va danser, on va chanter. Nous sommes carrément dans les années 90 sur Viva. Souvenez-vous, je pense que c'est 95 de mémoire. Et je pense bien, puisque je viens de le vérifier aussi, Edwin Collins, A Girl Like You dans Un air de vacances. Adam Levine dans quelques instants après l'information sur Vivacité et puis notre deuxième tube de l'été, Laurent Voulzy et le Rock Collection. Vivacité présente Flamme, du 11 au 13 août au château de Beaumale. Une balade théâtrale familiale, magique et bucolique, illuminée de plus de 1500 bougies. Chaque soir, concerts folk, produits régionaux, animations et feux d'artifice. Info www.flamme.be avec l'avenir et la Wallonie. Bon appétit, vous écoutez Vivacité, il est midi. L'information avec vous, Delphine Vreux. Bonjour, la vidéo a tout de suite été prise très au sérieux par la ville de Verviers, par les services de police et la police fédérale est sur l'affaire. Cette vidéo montre un jeune marchant dans une rue de Verviers, il fait nuit. Et en arabe, il appelle au meurtre de chrétiens. La bourgmestre de Verviers, Muriel Tarnion, est interloquée. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été extrêmement choquée et je dois dire directement que je condamne très fermement ce genre d'attitude. Alors, ce qui me désole une fois de plus, c'est que bah, la police locale, on n'est pas compétent en matière de terrorisme, c'est la police fédérale. Toutefois, j'ai directement contacté le chef de corps et ensemble, on va prendre une série de mesures par rapport à ce jeune, mais nous ne sommes pas compétents pour l'arrêter, pour l'intercepter. Ça, c'est du ressort de la police fédérale et j'espère bien qu'on va l'arrêter parce que pour moi, cette personne représente un danger pour notre ville. Des propos recueillis par François Brébant. La vidéo a été repérée par un site d'observation français. La vidéo ne permet pas de dire quand ce film a été tourné. Les images et les récits sont toujours aussi poignants, même 60 ans plus tard. Le 8 août 1956, une fumée s'élevait au matin au-dessus de la mine du bois du Casier Marcinelle près de Charleroi. Le feu a pris sous terre, à 1 km de la surface. 262 mineurs seront piégés, ils ne remonteront pas. 60 ans plus tard, la cloche du bois du Casier a retenti 262 fois. Un millier de personnes étaient réunies ce matin pour cet hommage où l'émotion était toujours aussi importante. Vous entendrez le reportage de Sarah Devaux dans le journal de 13h. Notez aussi que ce matin, pour ces commémorations, la sécurité était renforcée. Des militaires étaient postés autour du charbonnage pour surveiller le principal accès. Fouille minutieuse aussi des sacs des visiteurs deux jours après l'attaque devant le commissariat de Charleroi. Vraiment tout autre chose, attention Pokémon qui pourrait croiser votre chemin et qui pourrait vous distraire, vous amener aussi à commettre des infractions. Traverser la rue par exemple sans regarder pourra être verbalisé par la police. Et ces piétons risquent une amende de 55 euros. À Bruxelles, la place de Brouckère et la rue Neuve privées d'électricité pendant plus d'une heure ce matin. Une panne haute tension qui a touché plusieurs cabines. L'électricité est à présent revenue. La panne est fâcheuse aussi pour la compagnie aérienne américaine Delta Airlines. Tous ces vols sont interrompus en ce moment aux États-Unis et en Europe. C'est un problème informatique. Seuls les vols en cours ne sont pas concernés. Et nous allons à présent nous rendre au bois du Casier à Marcinelle. Hommage, c'était il y a 60 ans. Écoutez ce témoignage recueilli par Sarah Devaux. On ne voit rien. On voit les gens qui pleuraient. Elle a fumé. Elle a fumé, c'est tout. Les gens pleuraient, les femmes, les petits, les hommes. Elle a fumé. Et l'ambulance, avant, arrière, elle a porté les cadavres à la cimetière. C'était triste. J'ai appris à la radio ce qui s'était passé chez les voisins. Je suis rentrée le dire à la maison à ma mère. Je lui ai dit, il y a le feu à Marcinelle. Elle ne m'a pas cru. Elle était fâchée. Elle m'a dit d'aller jouer plus loin. Et puis elle a allumé la radio et elle a su. Le seul souvenir que j'ai, c'est la fumée noire qui sortait, qu'on voyait de chez nous, dedans premier. Vous n'aviez que 5 ans, c'est que ça vous a marqué, si oui. Vous vous en souvenez. D'autant plus que... On était de la région et donc le fait d'être ici, c'était pour moi un devoir de citoyen. Le récit toujours aussi poignant de témoins directs de la catastrophe. Ils étaient au micro de Sarah Devaux et de Jean-Marc Virzé. Ils tentent de traverser la Manche à bord d'un sous-marin à pédale. Ils, ce sont deux Français partis vendredi du sud de l'Angleterre. Mais ils n'iront pas jusqu'à Saint-Malo. Le périple a rapidement dû être interrompu pour des raisons techniques. L'engin a dû rentrer au port le soir même parce que l'un des deux bateaux suiveurs avait un problème de sonar. Et de retour à l'embarcadère, heureusement, les deux hommes se sont rendus compte alors d'un taux dangereux de monoxyde de carbone à l'intérieur de l'habitacle de leur sous-marin. Les deux hommes ont donc préféré reporter leur projet. Caroline Gillet, justement, la mer, ça ralentit sur le 40. Et oui, malheureusement, puisque vous perdez une quarantaine de minutes dans le chantier entre Herpamer et Wetteren. Des répercussions aussi sur la Nationale 9 en direction de Gand, le tout en direction de Stand. Donc, prenez vos dispositions si vous devez vous rendre à la mer. Ça coince aussi dans l'autre sens, mais vous ne perdez qu'une petite dizaine de minutes en direction de Bruxelles. Des ralentissements au poste frontière vers la France, c'est le cas sur le 40 Yabec-Calais. Vous perdez une heure sur l'autoroute. Des ralentissements aussi sur le 17 Gand-Lille à partir d'Albeek, mais là vous ne perdez qu'une quinzaine de minutes. Et on termine par cet accident sur la Nationale 16 Malines-Saint-Nicolas. C'est à hauteur de Purs. Conséquence, chaussée fermée en direction de Saint-Nicolas.

Crypto et Air City, Adam Levine. On adore vous offrir des cadeaux et en plus ils sont merveilleux dans un air de vacances. Une fois de plus, une journée inoubliable en famille est à gagner. 4 personnes, direction Belleau-Ward, et vous pourrez profiter du parc jusqu'au 25 septembre 2016. Donc vous choisissez une journée, un week-end, un jour de semaine si c'est congé, ou vous y allez un week-end genre début septembre quand les enfants sont rentrés à l'école, qui sont un petit peu encore un peu dissipés parce que voilà, c'est la fin des vacances. On peut recréer ce climat de vacances comme ça alors que c'est la rentrée. Bref, on vous offre donc 4 entrées. C'est à Ypres, le parc Belleau-Ward, avec non seulement des animaux, mais il n'y a pas que des animaux, il y a aussi plein d'attractions comme le boomerang, le hurricane, il y a le Bengal Rapid River, il y a le Niagara, et puis le truc qui éclabousse là, le river splash. Et puis dans les animaux, il y a les léopards de l'amour. C'est mignon ça, hein. J'imagine qu'il y a le comment il s'appelle, le gars des feux de l'amour, le Victor Newman doit être certainement dans les léopards de l'amour. Il doit y avoir un léopard qui s'appelle Victor dans le truc. Il faut aller voir les éléphants d'Asie, les girafes, les tigres, les bisons. Enfin bref, c'est un super parc. Et donc votre mission pour gagner, c'est de jouer par SMS au 6003. Ça vous coûte 75 centimes d'euros l'envoi de message, mais c'est assez difficile puisqu'il faut trouver le nom d'un artiste à partir d'une seule seconde de son œuvre tout entière. Donc on a sélectionné une seconde d'une chanson et c'est à vous d'envoyer l'interprète par SMS au 6003. Écoutez. Salut. À quoi pensez-vous? À qui pensez-vous surtout? 6003. Alors on nous a quand même envoyé Daniel Guichard, c'est pas lui, ce n'est pas Michel Sardou non plus. Qui chante? Salut. Si vous avez la réponse, à vous de jouer 6003 et on vous appelle dans quelques instants sur Vivacité. C'est l'heure de notre deuxième tube de l'été, il est 12h12 et nous allons écouter Rock Collection de Laurent Voulzy. C'est le tube de l'été 77, une chanson qui présente l'originalité d'avoir des couplets en français pondus par la paire Souchon-Voulzy, bien sûr les deux potes de toujours. Et ils alternent avec des refrains qui reprennent les grands standards anglo-saxons des années 60, parmi lesquels les Beatles avec Hard Day's Night, I Get Around the Beach Boys, il y a aussi les Rolling Stones avec Satisfaction ou encore Bob Dylan. Bref, on va se remettre ça dans les oreilles, c'est un grand classique de la chanson française et c'est un vrai plaisir de partager ce morceau de Laurent Voulzy avec vous. Voici Rock Collection sur Vivacité. On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe lissée que de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait. Et la petite fille chantait. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Everybody's doing a brand new dance now. Come on, baby, do the locomotion. I know you're gonna like it if you give it a chance now. Come on, baby, do the locomotion. On a tous dans le cœur le ticket pour Liverpool. Sortie de scène, hélicoptère pour échapper à la foule. Excuse me sir, mais j'entends plus Big Ben qui sonne. Des scarabées bourdonnent, c'est la folie à London. Et les Beatles chantaient. Et les Beatles chantaient. Et les Beatles chantaient. Et les Beatles chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. It's been a hard day's night and I've been working. Ça va me servir d'aller me faire couper les tifs. Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif? Betty a rigolé devant ma boule à zéro. Je lui dis si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au dirlot. Et je me suis fait virer. Et je me suis fait virer. Et les Beach Boys chantaient. Et les Beach Boys chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Ça faisait round, round, get around, I get around. Get around, round, round, I get around. Get around, get around, get around. On a tous dans le cœur des vacances à Saint-Malo et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano. Au camping des flots bleus, je me traîne des tonnes de cafards. Si j'avais bossé un peu, je me serais payé une guitare. Et Saint-Malo dormait Ça roule autour du baby. Le pauvre Jimmy s'est fait piquer chez Disquaire, c'est dingue. Avec un single des Stones caché sous ses fringues. Et les loulous roulaient. Et les loulous roulaient. Et les cailloux chantaient. Et les cailloux chantaient. Un truc qui me colle. Merci d'écouter Vivacité, un air de vacances, c'est jusqu'à 13h. Et puis au-delà, il y aura l'été du bon côté avec Émilie Duquesgueul. Et dès 15h, ne manquez pas le rendez-vous avec Vivre Ici, Marc Vernon et toute son équipe en pleine forme, jusqu'à 17h sur Viva. Et c'est le retour de Nicolas-Xavier Ladouze tout de suite avec la météo de vos vacances, celle que vous nous demandez sur notre site internet, par exemple vivacité.be. Nicolas, Christine de Hatt part avec son compagnon Pierre à Zanzibar. Nous sommes juste en face des côtes tanzaniennes, faites-nous rêver. À Zanzibar, ces plages paradisiaques. Eh bien, au niveau des conditions météo, il y a des choses à dire à Zanzibar, puisqu'on attend aujourd'hui un ciel partiellement couvert, avec 27 degrés comme température maximale. Durant les nuits, ces prochains jours, on avoisinera les 22 degrés à Zanzibar, et puis les températures vont se maintenir autour des 27-28 degrés en journée. Attention que mardi jusqu'à jeudi, il faudra composer le matin avec un risque d'averses éparses qui se dissipent au fil des heures, et finalement c'est le soleil qui s'impose tous les jours, avec donc ces valeurs de 27 à 28 degrés, ce qui est pas mal du tout. Une petite balade à dos de chameau assortie à un dîner qui s'appelle les mille et une nuits, avec une ambiance envoûtante et des danseuses du ventre et une bonne dose de porto achevé un prix. C'est à Marrakech que Jean-Pierre et Janine s'envolent demain pour quelques jours. Nicolas, il y a le souk smata, hein, ce sont les babouches, le souk charia, ce sont les sacoches en cuir, le souk zrabi, ce sont les tapis, et pour le souk météo, c'est à vous Nico. Oui Stéphane, je vous vois venir. Vous allez encore vouloir baisser les températures. Hein? Toujours cette manie de marchander. Eh bien non, ça ne fonctionnera pas malheureusement. On ne saura pas faire baisser les températures qui seront très élevées. Donc il faudra bien se protéger en allant à Marrakech. Se protéger de la chaleur, se protéger du soleil. Écoutez, ces valeurs maximales 41 degrés pour ce mardi, 39 mercredi, 38 jeudi, 37 encore vendredi. Ça continue aussi pour le week-end. Côté température minimale, on se situera entre 20 et 23 degrés. Donc très ensoleillé, très chaud de ce côté-là du Maroc. Merci beaucoup Nicolas-Xavier Ladouze, et vous revenez demain bien sûr pour vous informer, vous qui êtes à l'écoute de la radio, de la météo de votre lieu de séjour. Vous pouvez la demander gratuitement vivacité.be, vous cliquez sur un air de vacances, il y a le formulaire de contact et où que vous alliez, nous on vous répond, hein, même si c'est au bout du monde, n'hésitez pas à défier Nicolas-Xavier, il adore ça. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Et si vous changiez d'air? Pour une fois, connectez-vous à la nature. Forestia, aventure au cœur de la forêt. Forestia.be. Vivacité présente la Nuit des Cœurs 2016. Ces 26 et 27 août, découvrez le concert promenade féerique dans les prestigieuses ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville. Chaque soir, 6 ensembles vocaux de prestige chantent pour vous. Info, nuitdescoeurs.be. Avec l'Avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire. Et ces visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part. et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, même s'il est tard. Jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent. Tant qui se mentent, inventant les rêves en des instants de grâce. Où je donne ma place au paradis. Si l'on m'oublie sur terre, encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur. Il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause. Que le temps, les horloges se reposent. Et caresser, juste un baiser, un baiser. Encore un soir. À son mari René décédé, une chanson écrite par Jean-Jacques Goldman. Encore un soir, Céline Dion était sur Vivacité. Et hop là, on va appeler quelqu'un qui a envoyé une bonne réponse par SMS afin de gagner des entrées pour Bell Award, une journée inoubliable en famille. Et en plus, les places sont valables jusqu'au 25 septembre 2016. Alors, il faut que ça décroche, évidemment. Allô ? Bonjour ! Bonjour ! Je vous dérange pas ? Non, pas du tout. Savez-vous qui vous appelle ? Oui, Vivacité. Ah, on est démasqué. Salut. Salut. Quel est votre prénom ? Bernadette. Comment va Bernadette ? Très bien. Très bien, oui. En super Salut. Forme. Où habitez-vous, Bernadette ? À Lillois. Ah, comment on appelle les habitants de Lillois dans le Brabant wallon, hein, si je me souviens bien. Oui, oui, c'est ouais. Ça, les Lilloisiens. Les Lilloisiens, donc vous êtes une Lilloisienne en vacances, en congé, au travail. Ah, je reprends le travail aujourd'hui. Oh, ça a été difficile ce matin alors. Non, pas du tout. Non, ah, vous aimez votre travail. Tout à fait, tout à fait. Que faites-vous dans la vie ? Je travaille dans une auto-école à vous Waterloo. Vous apprenez à conduire ? Non, je reçois les candidats. Ah, et alors tiens, un petit pourcentage comme ça au pifomètre, combien de gens réussissent le permis en se présentant dans une auto-école ? Ça dépend le centre d'examen où ils vont passer l'examen. Pourquoi ? Il y en a qui sont plus vaches que d'autres ? Tout à fait, tout à fait. C'est pas vrai. Oui, oui, oui. Les statistiques sont là pour le prouver. Ouais, et donc, en fait, vous conseillez le centre d'examen où il y a un peu plus de chances de réussir le permis, en fait ? Bah, disons que non, il faut choisir l'endroit où vous roulez le plus souvent, où vous connaissez. Oui. Ça ne sert à rien d'aller dans un centre d'examen pour réussir. Par exemple, en région verviétoise, je vais vous dire, il y a une ville qui s'appelle Eupen. Hein, vous connaissez Eupen, hein. Oui, tout à fait. Cette ville a été construite pour les permis de conduire. C'est pas possible. Il y a tout. Il y a tout. Tous les pièges se trouvent à Eupen. Vous allez à Eupen, vous circulez à Eupen. Il y a tous les panneaux routiers que vous voyez jamais ailleurs qu'à Eupen. Vous voyez ? C'est un truc de fou, quoi. C'est, y en a plein qui ratent là-bas. Mais il y en a qui réussissent. Mais il n'y a bon, pas qu'à Eupen, malheureusement. Ah non, mais je vous promets qu'à Eupen, c'est un calvaire. C'est un vrai calvaire. Et puis Bruxelles, après... c'est pas mal non plus. Hein. Bruxelles n'est pas mal non plus. Ah oui, c'est vrai. Mais quand on habite à Bruxelles, enfin, je sais pas. C'est je sais pas. Enfin bref. Donc vous bossez dans une auto-école. Oui. Et vous êtes partie en vacances, à part ça, Bernadette ? Non, pas encore. Moi, j'ai la chance de pas partir en dehors de la saison. Ah, c'est moins cher, hein ? C'est moins cher, oui, il y a moins de monde. Il y a moins de monde, voilà. C'est plus agréable. Et donc vos prochaines vacances, ce sera où ? Au mois d'octobre. Et vous avez déjà choisi la destination ? Oui, au Portugal. Ah, quel beau pays, le Portugal. Où allez-vous au Portugal ? Oh, du côté de Faro, dans le sud. Ah oui, à Lisbonne, en tout cas, c'est une super ville. Hein. Oui, franchement, oui, ça j'ai déjà visité. Oui, ah, c'est magnifique. Parfait. Et les gens sont accueillants. Et puis, qu'est-ce qu'on mange bien, c'est top. Hein. Il y a la plage, là, Cascais, Gestoril. Oui, tout à fait. Ah oui, non. Et puis, il y a la tour de Belém aussi, qui est très sympa à visiter. Enfin bref, ok. On va pas se raconter nos vies, hein, parce qu'on a encore un peu de musique à passer, comprenez. Salut. Voilà, je vais vous dire salut. Et on vous envoie à Belloward avec votre famille. Super. Jusqu'au 25 septembre. Super. Et donnez-nous la bonne réponse. Quand même, hein. Jodassin. Oui, avec salut. Pour une fois, c'était facile. Hein, c'est vrai. D'habitude, c'est trop compliqué. Oui, hein, c'est parce que c'est lundi, c'est plus facile. Hein, que voulez-vous. Ah bah voilà. Bon, vérifie. Super, je gagne jamais rien. Voilà, j'ai eu la chance aujourd'hui. Faut jamais dire jamais. Vous venez de gagner, voilà. Bernadette. Allez, gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir. Oui, merci. Salut. Au revoir. C'est encore moi. Salut. Salut. Comment tu vas ? Bien. Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi, j'ai un peu trop navigué. Et nous on va naviguer, hein, mais on va carrément changer de style avec Michael Jackson qui arrive avec Thriller, avec un clip, c'est un film, hein, c'est un court-métrage, hein, c'est 15 minutes, on va pas vous mettre les 15 minutes, mais c'est 6 minutes de bonheur. Et dans un instant, nous accueillerons avec beaucoup de plaisir Jacques Brédal dans les People en vacances. Merci d'écouter Vivacité. Et puis encore une fois, bravo à Bernadette qui a gagné les 4 places pour Belloir. Demain, d'autres Salut. Cadeaux, d'autres surprises. Tais-toi maintenant, Joe. Tais-toi. Salut. In the dark, under the moon. midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Dans un instant, Kenji Girac sera sur Vivacité avec Andalousie. Il sera d'ailleurs en concert les 29 et 30 avril ainsi que les 10 et 11 novembre sur la scène de Forêt Nationale. Et là, c'était Thriller de Michael Jackson. Et dans les People en vacances, on a passé un coup de fil à Jacques Brédal qui est avec nous par téléphone en direct. Bonjour Jacques. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais fort bien. Mais ça nous fait plaisir. Un tout petit peu de soleil aujourd'hui, mais oui. Ça se passe. C'est assez couvert, mais bon, en même temps, c'est une masse nuageuse qui est occupée à passer. Vous êtes à Bruxelles, hein, c'est ça? Je ne suis pas à Bruxelles, je suis à Chaumont-Gistoux, dans le Brabant-Wallon. Ah, dans le Brabant-Wallon, bah voilà, bah c'est un peu pareil. Elle va normalement s'éloigner vers l'est et peut-être qu'il y aura un petit coin de ciel bleu par là, à Chaumont-Gistoux aussi. Ça va bien, hein, monsieur Brédal? Ça nous fait plaisir de vous appeler pour prendre de vos nouvelles d'abord. Oh ben, on va bien, on va pas trop mal même. Hier il y avait du soleil, on a passé toute la journée dehors, on a pu déjeuner, même dîner dehors, donc c'était vraiment bien. Aujourd'hui c'est un peu le mois de novembre, mais à part ça... Vous exagérez un peu quand même le mois de novembre. Un novembre chaud ou un été très froid. Exact. Vous partez en vacances cet été? Alors, moi, je suis retraité depuis un certain nombre d'années, donc on peut pas dire que les vacances, c'est encore une notion qui me préoccupe, mais elle me préoccupe indirectement parce que ma compagne travaille toujours et que donc on se débrouille un petit peu tous les deux. On part en vacances, mais pas spécialement l'été. Non, là, je vais m'en aller passer une semaine dans le midi de la France la semaine prochaine, chez des amis. Mais nous n'avons pas de grands déplacements prévus dans les moments qui viennent. D'ailleurs, je suis pas trop, ou de moins en moins, finalement, grand voyage. Vous êtes casanier? Bon, casanier non, pas du tout. Au contraire, on bouge beaucoup, mais je me rends compte qu'avec le temps, on va moins loin et moins longtemps. L'idée de passer un mois de vacances quelque part, dans un club, dans un hôtel, fût-il luxueux, sur une plage, fût-elle merveilleuse, ça me tente pas du tout. Quel était votre meilleur souvenir de vacances? Oh, bigre. Il y en aurait beaucoup, mais je vais vous dire quelque chose d'un peu surprenant. J'ai eu la chance pendant quand même plus de 30 ans de faire un métier que j'adorais, qui me passionnait, et je n'attendais pas les vacances. Je ne vais pas dire que j'étais triste quand j'étais obligé de cesser de travailler, mais ça m'amusait pas plus que ça. Donc un merveilleux souvenir de vacances. Pour en avoir beaucoup, j'en ai pas mal, mais jamais très très loin. Le plus récent, c'est une petite virée que j'ai faite en Touraine, par exemple, la semaine dernière, dans un pays qui est peu connu finalement. Au-delà des châteaux de la Loire, on voit pas trop grand chose. Et c'est un peu la Toscane sans les cyprès malgré tout. Mais j'aime aussi la Zélande, j'aime aussi la Côte d'Opale, j'aime aussi la baie de Somme, j'aime aussi le Périgord, j'aime aussi le Midi, j'aime aussi la Toscane, j'aime aussi l'Espagne, j'ai pas vraiment de préférence et pas de souvenir ébloui d'un endroit plutôt que d'un autre. Jacques Brédal, quelle est la météo idéale de vos vacances? Alors, il peut faire soleil pour moi. Je supporte magnifiquement bien la chaleur. Donc, même si vous me donnez du 50 degrés, je supporte. Pour autant que ce soit une chaleur sèche, d'expérience, J'ai beaucoup pratiqué le désert, par exemple l'Algérie quand on pouvait y aller encore, le Maroc, la Tunisie, récemment encore l'Égypte. Cette chaleur sèche là n'est pas gênante du tout parce qu'on transpire pas. Ouais. Ce qui est plus gênant, c'est quand il fait très chaud par chez nous et qu'on transpire dès qu'on met le nez dehors. Mais donc la météo idéale, bon, du moment qu'il y a du soleil et qu'on passe doucettement les 20 degrés, je suis content. Est-ce que pendant l'été, vous avez un apéro favori, un cocktail favori ou une boisson particulière ? Ben, j'ai découvert quelque chose récemment qui est assez amusant. C'est espagnol, c'est madrilène. Ça s'appelle la Tinto de Verano, ça veut dire un vin rouge d'été. Mmh. Et en fait, c'est un verre de vin rouge, ça peut être un rouge tout à fait standard, mêlé, vous allez vous asseoir par terre peut-être de surprise, avec une limonade. Ah oui. Et donc ça nous donne une sorte de boisson beaucoup plus rafraîchissante, on peut mettre de la glace dedans. Il y a un goût de vin au fond, mais on peut en boire avec moins de modération que si le vin était pur. Quel est votre plat préféré de l'été ? Là, pour le moment, je suis très tomate mozzarella, comme tout le monde. Quand on trouve de bonnes tomates et de la bonne mozzarella, oui. J'ai la chance d'avoir quelques fournisseurs italiens pas loin d'ici. La mozzarella di bufala, par exemple. Ah, évidemment, il faut qu'elle soit di bufala, ça, bien sûr. Oui. C'est clair. Et la burrata aussi, hein, c'est délicieux. C'est pas mal non plus, mais mozzarella, la tomate mozzarella, c'est tellement frais, ça oui. se mange tellement si facilement. Avec des petites feuilles de basilic. Un peu de basilic, ouais. Voilà, exactement. La glace, plutôt fraise, vanille, chocolat, un autre parfum ? Ah, si je suis glace, ce serait plutôt sorbet, alors un sorbet citron, des choses comme ça, mais pas trop glace, non. Dans quel endroit chez nous en Belgique vous sentez-vous vraiment en vacances ? Ben, ça a l'air curieux, mais... Là où je me sens vraiment en vacances, c'est chez moi, parce que j'ai la chance d'avoir un jardin agréable, pas trop grand, mais plutôt bien exposé. Et quand il fait beau, la réflexion que je me fais presque tout à fait régulièrement, c'est mais pourquoi aller si loin ou beaucoup plus loin pour chercher quelque chose qu'on a sur sa propre terrasse, en définitive. Le calme, bon, le confort, la proximité de tout ce dont on a besoin, à boire, à manger, mais aussi les livres, aussi les disques, enfin tout ça, tout ce qu'on ne peut pas emmener en vacances en quelque sorte. Ouais. Pour terminer, Jacques Brédal, votre station balnéaire préférée en Belgique ? En Belgique. Vous êtes plutôt le coq. Je suis aucune de celles-là. Je serais plutôt la panne Saint-Idesbald. Alors, n'aime pas beaucoup l'atmosphère trop fashioniste comme ça, ibizéenne ou côte d'azuréenne. Le knock, c'est un peu trop. Vous n'avez pas l'accent, Jacques. Vous ne parlez pas bien comme ça, hein. Comment faut-il dire ibizenka? Je ne sais pas. Vous ne mettez peut-être pas le pull sur les épaules. Non. Et j'ai tâté du golf il y a très longtemps, mais c'est fini. Donc c'est difficile, franchement, de faire un swing. Mais bon. Mais bon, ceci dit, on les ennuie un peu, mais c'est génial, hein. Knock, pour ceux qui aiment, c'est top. Bon, bah, merci beaucoup, oui. Jacques Brédal, d'avoir été des nôtres. Et puis, bah, profitez bien du soleil qui normalement devrait arriver. Et puis, surtout, le week-end prochain, il sera là. Donc merci d'avoir donné de vos nouvelles. Parce que, bonnes vacances à vous et bonnes vacances à vos auditeurs. Merci d'avoir appelé. Mais avec plaisir, à bientôt. Au revoir. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est facile. C'est une foule de contenus accessibles où, quand et comme je veux. Sur ma tablette, mon smartphone ou mon ordi. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. En télé sur la Une, c'est une rencontre qui n'aurait pas dû avoir lieu. C'est un amour qui n'aurait pas dû naître et qui va briser les conventions. Mais l'amour, même adultère, n'obéit qu'à ses propres règles. Keira Knightley et Anna Karénine dans ce drame romanesque, lundi soir sur la Une. Prêt pour l'aventure ? Bienvenue à Tiger World, la nouvelle création du zoo d'Amnéville. Pénétrez dans une mystérieuse caverne au cœur de la jungle. Entrez dans un univers fantastique où la poésie se mêle à la violence des éléments déchaînés. Où un homme évolue en toute complicité parmi les tigres du Bengale. Tiger World, un spectacle époustouflant. Le Zoo d'Amnéville, un des plus beaux d'Europe, entre Metz et Luxembourg, ouvert tous les jours. Jusqu'à 13h sur Vivacité, un air de vacances avec Stéphane Piedbeuf. Kenji qui sera en concert Vivacité les 29 et 30 avril, les 10 et 11 novembre sur la scène de Forêt Nationale. On l'écoutait avec Andalouse. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Encore un énorme succès de foule pour le beau vélo de Ravel samedi à Boussu, vous étiez peut-être. Et pour ceux qui ne connaissent pas le beau vélo de Ravel, c'est un événement organisé tous les samedis par Vivacité dans le but de vous faire découvrir à vélo plein de régions de Wallonie. Et samedi prochain, c'est du côté de Namur que toute l'équipe vous donne rendez-vous pour vous proposer une balade à vélo en toute sécurité, ainsi que plein d'animations. Et pour nous en dire plus sur cette étape, nous retrouvons Adrien Jovenot et son acolyte Cody. Bonjour messieurs. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Je suis content de vous retrouver cette semaine parce qu'on va parler de Namur. Cody, je serai samedi sur mon tandem avec Christophe Bourdon, c'est un de vos enfants de cœur. Exactement, et il faut savoir que Namur, c'est la ville dans laquelle on a enregistré pour la première fois les enfants de cœur. Mm-hmm. On passera d'ailleurs devant la maison natale de Jean-Jacques Brunin. Ah, à Ouépion. À Ouépion. Oui, le petit homme de Ouépion, comme on l'appelle. Oui, on passera peut-être par l'homme de Spi, mais ça c'est un autre registre, évidemment. On va longer la Meuse, on va partir en fait du sommet de la citadelle. C'est la plus grande d'Europe, hein, la citadelle de Namur, pour pédaler au milieu du monde. C'est le lieu dit à côté, la Gueule du Loup et Cabaca sont des lieux dits du village de Malonne. Cap ensuite sur les collines de Boisdevillers, les champs de fraises de Ouépion, avant de descendre dans la vallée de la Meuse en suivant les bernages du Canada jusqu'à la sentinelle de pierre et de verre que nous escaladerons via la route merveilleuse. Au bout de ces longs lacets et de ces splendides perspectives, la récompense ultime, le concert de BJ Scott. Wow. Sur l'esplanade de la citadelle de Namur. Oh, ça fameuse Scott Lagerle. Elle sera là aussi avec tous ses talents, l'émission The Voice. Et quand on sait qu'elle a vu passer dans ses stages des gens comme Loïc Notet, comme Julie Compagnon, oui. Je crois que ça va faire un très beau spectacle. Ça va être génial. BJ Scott avec aussi Anouar et Tima. Vous connaissez Tima ? Tima, je ne connais pas. Eh bien, c'est la maman de Boris Mott. Ah bon ? Oui, Boris Mott, vous ne connaissez pas non plus. Non plus. vous avez vu comme j'ai peu faire semblant. Oui. Mais c'est un des talents de l'émission The Voice. D'accord. Il a la voix de Garou, il a le physique de Gérard Depardieu et il a le compte en banque de Cody. Donc, il a tout pour réussir. Moi, je connais Anouar, par contre. Vous connaissez Anouar ? Oui. Anouar. Oui. Enfin, j'en connais même plusieurs. Mon père est Anouar, ma mère aussi est Anouar. Anouar, le chanteur Anouar. Le chanteur Anouar, d'origine marocaine. Il est talentueux, ouais. Et extraordinaire. Ouais, vraiment un petit gars à découvrir sur la scène du Beau Vélo lors des showcases Joker Plus. Ce sera ce samedi 13 août à la Citadelle de Namur. Et si vous voulez plus d'infos sur tous ces showcases du Beau Vélo de Ravel, rendez-vous sur vivacité.be. En forme pour préparer le Beau Vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Dans un instant, l'arrivée de Émilie de Kegel. Elle sera là dès 13h pour l'été du bon côté. Mais juste avant, elle avait un défi. Vous n'étiez peut-être pas là vendredi. On lui a demandé de trouver les hits du Sri Lanka. Elle a dit qu'elle avait trouvé. Bon, on a hâte de découvrir ses trouvailles. Ce sera juste après Kid Noise. Montez le son, c'est des vitamines. Voici Ocean sur Vivacité. I swim a part of ocean. Fly a part of empty sky. Japan is my new direction. Moscow was amazing last night. I never closed the door. Behind me something more. The day I stop it all, it's true. And I will do it just for you. I swim a part of ocean. I fly a part of empty sky. Japan is my new direction. Moscow was amazing last night. I never closed the door. Behind me something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. Door. Behind me something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. And I will do it just for you. Behind me. Il est belge, c'est un DJ bruxellois avec Ocean Kid Noise. Est-ce que c'est aussi bon au Sri Lanka que Kid Noise ? C'est pas du tout, mais alors pas du tout la même chose. C'est pas le même style, évidemment. Non, du tout. Hein ? Bon, on passera par la Roumanie avant d'aller au Sri Lanka. Ça... Mais moi j'ai mon passeport en or, donc on va où vous laissez. Eh bah c'est parfait, on atterrit en Roumanie dans quelques secondes. Vivacité présente lundi 15 août le 50e marché 1900 de Marchand Famène. Vieux métiers, artisanat, oiseaux, danse folklorique, cirque et théâtre de rue, jeux anciens, marionnettes, démonstrations de matériels agricoles anciens, plus de 35 animations de belle époque. Depuis 1967, la fête la plus populaire et la plus sympathique de l'année. Programme sur marche1900.be. Topitz, astuce congélation du jour. Nous sommes les 5 congélations Topitz, de vrai dur à cuire. On se tient toujours droit pour facilement nous remplir. Topitz, tout pour garder vos aliments au frais. Aussi frais que frais avec Topitz. Vivacité et la 2 présente la nuit de feu au château des Lessines. Le 20 août, ne manquez pas le plus grand feu d'artifice de Belgique. Une heure de spectacle magistral fait d'artifice, d'opéra et de lumière. Entrée gratuite pour toute la famille. Pensez à réserver votre parking et votre pique-nique sur 070.be avec le soutien du Brabant Wallon, l'EF et la Loterie Nationale. Vivacité vous invite à l'avant-première de Star Trek Sans Limite. Accrochez-vous ! Le nouvel épisode de la saga culte par le réalisateur de Fast and Furious. On n'a plus de vaisseau, plus d'équipage. Comment on va s'en tirer cette fois ? Pour y assister le 15 août à Bruxelles et Liège, 0905 56 471, 50 cents par appel. Jusqu'à 13h, Vivacité a un air de vacances. Hey, bienvenue en Roumanie. C'est vieux ça, hein? Ouais, mais c'était rigolo. Aïe. Ah oui, elle vient de se prendre un micro sur le nez. Ça va? C'est le genou ou le nez? C'est le genou. Ah oui. Ah, ça s'est entendu. Ah oui, non, mais ça se sent aussi. Ah ouais, mince, c'est vrai, vous avez mal. Non, ça va, c'est bon, on s'en convient. Vous voulez mettre un peu de pommade? Non, ça va aller. Vous voulez qu'on vienne dans un instant? Non, du tout. Ça s'appelle un incident d'antenne, ça, dans le jargon radio. Les aléas du direct. Bon, en Roumanie, numéro 3, elle était déjà là il y a 2-3 ans. Souvenez de Ina. Ina Modja? Sonny is up. Non, non, non, non. Comment vous dites? Sonny is up. Non. Mais si. Mais allez. Non, ouais. Mais si. Mais là, c'est une star en Roumanie parce qu'elle est pas ici, mais là, elle cartonne avec Heavens. C'est le numéro 3 du Tip Top roumain. Mm-hmm. D'accord. Numéro 2, bah, c'est connu, hein, c'est Kungs. Et le numéro 1 du Tip Top roumain, c'est LP et Lost in You. Roumania, 10 points. Ah oui, c'est peut-être le truc de l'Eurovision. Très, ça fait très Eurovision. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est peut-être le truc de l'Eurovision. Hein. Ah, je sais pas. Hein. Ouais. Et pourtant, j'ai regardé la date. Hein. C'est le dernier Tip Top, mais il faut croire que l'Eurovision, là, ça marche. Hein. Mm. C'est bien parce que chez nous, par exemple, moi, je l'ai plus entendu la chanson de la Belgique à l'Eurovision. Non. Je ne sais même plus comment s'appelle la demoiselle. Non, dommage. Ah, mais c'est vrai, vous non plus. Non. Ça, c'est dommage. Hein. Comment s'appelle-t-elle, celle qui nous avait représenté? C'est dingue. On se souvient de Anouar. Laura Tesoro. Voilà. Bon, allez, on remonte, on prend de l'altitude et puis on atterrit au Sri Lanka. Enfin, pour peu qu'il y ait une piste d'atterrissage là-bas. Ah oui, il y en a quelques-unes. Hein. Lieu de villégiature par excellence pour ceux qui ont l'opportunité d'y aller, ça c'est sûr. Et ben voilà. Ça c'est Laura Tesoro. Ouais, qui est peut-être partie au Sri Lanka pour ses vacances. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Là aussi, on chante, on danse, mais alors on n'est pas du tout dans des hymnes américains, blockbusters, gros titres. Non, je vous propose dans le top 3, donc au numéro 3, sur la troisième marche du podium, il ou elle, je ne sais pas, s'appelle Dina Kamaj. Ah, c'est il. Dina Kamaj. Voilà. C'est sympa, c'est local. Ah, ça, pour le coup, c'est local. Numéro 2 au Sri Lanka, c'est... Alors, si vous avez un souci, vous pouvez appeler les pompiers, vous pouvez appeler le SAMU Aran aussi. Influence Bollywood. Ouais, bah, ceci dit, c'est zen, hein. C'est zen, ça, c'est sympatoche. Donc voilà. Ça, c'est le numéro 2. Et le numéro 1, c'est Matudaka. C'est bon ça. C'est génial. C'est top. On voyage. C'est le numéro 1 du Sri Lanka. Ouais. Ah, c'est top ça. Vraiment top. Dites Emily de Giggle, merci beaucoup. Et encore une fois, bravo. Hein. Vous n'échouez jamais. Il n'y a jamais un jour où vous dites, bah, écoutez, j'ai rien trouvé. Non. Donc non, là non. Pour demain, on va mettre la barre encore plus haut. Ah, c'est possible. Plus loin, toujours plus fort. Alors c'est Sylvain qui va choisir le pays où vous allez devoir trouver le top 3 des hits de cet été. Sylvain qui réalise l'émission, réfléchit. Un pays. Le premier qui vient comme ça, claque. Le plus improbable. L'Inde. Allez, ah, l'Inde. Ouais, l'Inde, c'est pas mal ça. Bon bah nous irons donc en Inde demain, soyez là. Et restez avec nous car dans un instant Emily de Kegel vous présentera Maya. Le Tip Top roumain. Non, ce sera l'été du bon côté, bien sûr. Oh là là, Emily de Kegel est là. Attention, ça va être une grande ambiance sur la cité avec le Tip Top Made in Roumania. On arrête les conneries. Oui, on allez. Soirez. Qu'est-ce que j'aime ça, dites donc. Haïdouk. patience, cette forme d'intelligence qui nous balance la route à prendre. On connaît bien les pratiques, la projection élastique, tout comme un coma idyllique. Quand elles aimeraient que l'on se rende, on connaît bien et atteste la manière, on se fout du reste, même si un jour on le regrette. Qu'est-ce que j'aime ça? Est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Est-ce que t'aimes ça? Qu'est-ce que j'aime ça? De faux, t'as pas de chance, ne calcule plus la remontrance. Il suffit juste d'un mot, d'un geste, et hasard s'occupera du reste. J'ai la folie des grands peut-être. Qu'est-ce que j'aime ça? Est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Je parie juste sur la chance, l'excuse de faux. Pas de chance, ne calcule plus les remontrances. Il suffit juste d'un mot, d'un geste, et hasard s'occupera du reste. J'ai la folie des grands peut-être. Qu'est-ce que j'aime ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que t'aimes ça? Qu'est-ce que j'aime ça? Est-ce que tu aimes ça? Midi avec nous sur Vivacité, dans un instant l'été du bon côté, Émilie, la cuisine mais aussi la science. Les deux mélangés. Et la météo c'est maintenant avec Nicolas Xavier Ladouce. Di, votre partenaire pour l'été, solaire, mini format, premier soin, tout est chez Di. Di, faites-vous plaisir. Très bon après-midi à tous. La perturbation va continuer à progresser dans le ciel belge cet après-midi. Ces nuages vont se décaler principalement au sud du Sion-Sambre-et-Meuse où quelques petites pluies seront même possibles. Par contre, du littoral au centre du territoire, un temps plus sec et retour à de belles éclaircies. Côté température, 17 à 18 degrés en Ardennes, 20 à 22 degrés ailleurs, toujours un vent d'ouest à nord-ouest modéré. Ensuite, la nuit prochaine, sous des nuages devenant prédominants en toute région, des averses devraient déborder de la mer du Nord sur l'ouest du pays. Le vent va faiblir avant de se réactiver en fin de nuit à la mer, les minima 9 à 14 degrés. Nuages et éclaircies vont alterner demain. Le risque d'averse va se décaler de la Campine à l'Ardenne. Les éclaircies deviendront plus belles de la côte belge au Hainaut occidental. Le vent assez sensible sera orienté au nord-ouest, ce qui va signifier fraîcheur puisqu'on ne va plus dépasser 15 à 20 degrés demain. En télé sur la Une, c'est une rencontre qui n'aurait pas dû avoir lieu. C'est un amour qui n'aurait pas dû naître et qui va briser les conventions. Mais l'amour, même adultère, n'obéit qu'à ses propres règles. Keira Knightley et Anna Karénine dans ce drame romanesque, lundi soir sur la Une. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vivacité les 13h. Les suites de l'enquête concernant l'attentat de samedi à Charleroi. Plusieurs perquisitions, mais pas encore de résultats communiqués par le parquet. Les questions aussi autour de la protection de ceux qui doivent nous protéger. Les chefs de corps des zones de police sont seuls maîtres à bord. C'est eux qui décident s'ils exigent le gilet pare-balles pour chaque policier en uniforme, s'ils autorisent le port d'armes en permanence, par exemple. Question aussi après cette vidéo tournée à Verviers. Un jeune homme chante et s'adresse à Allah en lui demandant de tuer des chrétiens. Est-ce punissable? Ce n'est pas si simple, nous le verrons avec Simon Gérard dans ce journal.